Écoute, Seigneur, la cause du juste. Sois attentif à mon appel sincère. Prête l'oreille à ma prière pure. Car mes lèvres ne prononcent pas le mensonge amer. Tu sondes mon cœur, tu le visites la nuit. Tu m'éprouves, tu ne trouves pas d'injustice. Ma bouche ne franchit pas les limites. Je marche selon ta parole, Dieu de justice. Mes pas s'attachent à tes sentiers. Mes pieds ne chancellent pas sur le chemin. Je t'invoque, ô Dieu, car tu me réponds. Incline ton oreille, écoute mon destin. Fais paraître la grandeur de ta bonté. Toi qui sauves ceux qui se réfugient en toi. Contre ceux qui s'élèvent par la violence et se dressent orgueilleux devant ta loi. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Cache-moi à l'ombre de tes ailes. Loin de la méchanceté de mes ennemis. Loin de leur cœur dur et cruel. Ils entourent mes pas, leurs yeux nous épis, ils cherchent à me jeter à terre. Comme un lion avide de proie, un jeune lion tapis dans les bruyères. Lève-toi, Seigneur, devance-les, renverse-les par ta main forte. Délivre-moi des hommes de ce monde qui ne vivent que pour leur propre sort. Moi, dans la justice, Seigneur, je te contemplerai.